ses souhaits pour une mort prompte. Mais ce dont on convient assez généralement, c'est que sa mort fut à peu près telle qu'il l'avait désirée. Car lisant un jour dans Xénophon que Cyrus avait donné pendant sa dernière maladie quelques ordres pour ses funérailles, il témoigna son aversion pour une mort aussi lente, et souhaita que la sienne fût prompte et subite. La veille même du jour où il périt, à un souper chez Marcus Lepidus, un convive ayant soulevé cette question : quelle est la fin la plus désirable ? Une mort brusque et inopinée, répondit César.